directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Voici, écoutons-la dans la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons-la donc la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, animateur / méga vedette de C'est fou. Mm-hmm. Aujourd'hui, ma conscience est un petit peu, comment dire, sur le qui-vive. En fait, ta conscience, Mathieu, peut-être que ton corps ne le sait pas encore, mais moi-même, ta conscience est un petit peu enrhumée. Un tout petit peu. Je pense qu'elle a trop fait d'exercices de voix. Ouais, exactement. Elle chante dans la douche. quelque chose de genre. Donc, moi, je chante dans la douche, mais pas toi, évidemment. C'est juste, donc, ta conscience en dedans de toi, dans la douche. Ouais. Donc, c'est juste comme tu chantes dans ta tête. C'est ça. Moi, je suis trop gêné pour, en tant que tel, chanter dans ma douche. Donc, je laisse ma conscience faire le travail. Exact. Il y a aussi comme... peut-être qu'il est en train de muer, sinon. C'est l'alternative à ça, peut-être. Ah, c'est très possible. Peut-être que je vais devenir un homme. On ne sait pas, hein, ça se peut. Je suis une conscience, hein, je suis personne de particulier. Hein, je suis qu'une conscience. C'est profond, ça. Ah, c'est tellement profond, j'en reviens pas. On discute de choses terriblement sophistiquées ici. C'est fou. On est mature. Ah oui. C'est ce qu'on est. On va aller écouter de la musique de Jean Mature. OK. OK. Alors, on va commencer ça avec Shane Philippe pour se mettre d'humeur matinale. On s'en va entendre une pièce de son album In the Moment. Voici Good Morning. Tout de suite, écoutons-la donc. La chanson sur les ondes de Sifu. 89.1 FM. It feels so good to wake up in the morning, catch the sun on the rise, take a walk along the shore, let your senses come alive. Good morning, be a good day. Good morning. La formation 011 avec Eros et Thanatos, simple qu'on a reçu très récemment ici à C'est fou. C'est bon? Ça donne envie de danser, ouais. On dirait. Hein? MySpace.com/pop011 si vous voulez en savoir plus. Juste avant, c'était la formation Man Man avec The Ballad of Butter Beans de l'album Rabbit Habits. Et on a commencé avec Shane Phillip avec Good Morning, une pièce qui met vraiment dans l'esprit matinal. Bon matin! Bon matin! C'est le fun, ça réveille. Ouais, cool. Ben en fait, c'est vraiment concept avec l'émission, je pense. Le lundi matin, on se réveille tranquillement. On a des pièces de plus en plus rythmées. Tu vois, ça s'en venait bien avec ce qu'on vient tout juste d'entendre. Mmh. Peut-être qu'on va redescendre, on va monter. On se réveille tranquillement. C'est pas juste du high, nous avons des hauts et des bas. Ouais. Oh, tu viens de mieux encore? Oui, je sais. Je suis comme une tortue. Je vais le souligner à chaque fois. Reptile. C'est quel animal qui est mis? Qui perd sa peau complète, ouais. Là. Ouais, ça doit être un serpent, je pense. Ouf. Un gecko. Je suis pas un zoologiste. Non, bon, c'est pas grave. Tu mentionnais le lundi matin, c'est vraiment en direct les lundis matins à partir de 10h. Moi, aussi, on rappelle les jeudis à partir de 9h. Et les jeudis, ben, ceux qui écoutent le jeudi en ce moment vont se dire « Ah, yeah, l'élection américaine a été gagnée par Barack Obama. » Fait qu'on pourrait dire, on peut supposer ouais, ça. Okay, je pense que, ouais, OK, ça marche, moi, je suis d'accord. On vit le jeudi, nous autres. OK, ça marche. OK, on vit dans le futur. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. De toute façon, j'ai pas le choix vraiment d'être d'accord avec toi, étant donné que je suis partie intégrante de toi-même et de ta tête, entre autres. Donc, je pense que j'ai pas vraiment le choix, parce que sinon, tu vas avoir des conflits intrapersonnels. Mm-hmm. Ce qui serait mauvais ben, pour toi. Ben, de la misère à suivre notre lien. Ça marche pas bien. Non, en fait, ça marche tout à fait. Ouais. Si t'es en désaccord avec ta propre conscience, t'as un conflit interne. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est pas bien, ça. Vu de même. C'est pas bien, c'est pas bien. On se fait des chicanes. Mm. We don't like chicken. Non. We don't like chicken. OK, prochain bloc musical, on va l'entendre Ariel, qui est un nouveau groupe. En fait, ben, pas nouveau, mais le CD nouveau ici à C'est fou, c'est Ariel avec Chargé. Avant ça, on va entendre une pièce qui est dans les palmarès en ce moment. C'est celle de Chinatown qui s'appelle Tour Assassine, mais on commence avec Cœur de Pirate. Voici ici maintenant. Ça, c'était professionnel, hein? Ouais, non, c'était super beau, ça. Bah, on prend ça relax, disons, on s'en fout. Mais ça, ça va être beau. Cœur de pirate, là, c'est superbe. Mmh. C'est très joli. Ouais, amusez-vous. Écoutons la donc. La chanson. Alors tu vois comme tout se mêle. Et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer. À part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement. C'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus touché. Et on se prend la main comme des enfants. Le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé. Alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore. Et toi tu m'aimes un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça il m'aime encore. Malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça, il m'aime encore. Et moi, je t'aime un peu plus fort. Je t'aime pas plus fort.

traverse et je lui cède. Avant qu'une autre lui succède, à 100 ans comme au premier sang, la même quête d'une cible m'obsède. Comme une balle perdue dans le temps, comme une balle perdue dans le temps. Et ça, c'est tout nouveau sur les ondes de Cifou. C'est la formation Ariel avec Chargé. Ça vient de leur EP ou leur maxi qui s'appelle aussi Ariel. Justement, c'était Chinatown avec Tour Assassin qui est sur le palmarès francophone. Même chose pour Cœur de Pirate qu'on a entendu au début avec Comme des enfants de son album éponyme. C'est un très bon bloc franco, ça. Partie physique de moi-même. Fait plaisir. Maintenant, je crois qu'on va aller faire un bloc avec un truc qui nous plaît beaucoup à tous les deux. Oui, ça fait. Hein, s'il te plaît, ne ris pas de moi. Mm. Ne ris pas de moi. Moi, rire de toi. Parce que si tu ris de moi, tu ris aussi de toi. Hein? Ah. Ouais, on se complète pas mal. Hein? Ah, je t'ai dit. Et Colin. Ouais, donc on va aller entendre la formation Fall of the Conqueror. Oui. Je crois que pour les habitués de C'est fou, vous reconnaîtrez cette formation sans doute parce que Mathieu les aime beaucoup. Si vous êtes au moins fan de Mathieu Plante, animateur, barre oblique, méga vedette, barre oblique, homme qui fait tomber les femmes devant lui. Ouais. Donc vous allez reconnaître cette formation néo-zélandaise. Lord of the Rings rocks. Petit inside ça de manque, l'émission. Ça manque un peu l'exclamation, je pense. Ouais, c'est ça. Ou ouais, mm. Mais ça, c'est un inside pour ceux qui ont suivi l'émission. Donc, on va aller entendre les pièces Mother Huckers ainsi que Inner City Pressure, si je ne me trompe pas. Oui, on commence par Inner City Pressure, Inner justement. City Pressure, qui est une de mes préférées personnelles. Donc, Rock on. Je pense que tu on pourras va aller pas, se faire plaisir. Ouais. Tu pourras pas jouer de la flûte. Non, je pourrais jamais être un flûtiste professionnel. Non. Hein. Non. J'ai pas assez d'argent. Non. Je voulais juste des céréales. Ah, mais là, faut que tu comptes ton change au 7-Eleven, c'est long. Hein? In a city life, in a city pressure, the concrete world is starting to get you. The city is alive, the city is expanding, living in the city can be demanding. You've pawned everything, everything you own, your toothbrush jar and a camera phone. You don't know where you're going, you cross the street. You don't know why you did, you walk back across the street. Standing in the sitting room, totally skint, and your favorite jersey is covered in lint. You want to sit down, but you've sold your chair, so you just stand there. You just stand there. You just stand there. In a city pressure. Counting coins on the counter of the 7-Eleven. From a quarter past six till a quarter to seven, the manager, Bevan, starts to abuse me. Hey man, I just want some muesli. Neon signs, hidden messages, questions, answers, fetishes. You know you're not in high finance, considering secondhand underpants. Check your mind, how'd it get so bad? What happened to those other underpants you had? Look in your pockets, haven't found a cent yet. Lennon's on your balls, have you paid your rent yet? In a city, in a city pressure. In a city, in a city pressure. Prostitute.

go down? Are we going to the grave? And we draw a line. Are we going to the corner? Grave? She says no, no. But we go. And they could take me a letter. They don't like it when you break. La formation The Lovely Feathers avec Pope John Paul de l'album Hind Hind Legs. Juste avant, on a écouté deux pièces de Flight of the Conchords. Oui, on a écouté Inner City Pressure et Mother Huckers. Oui. Ceux qui se demandent pourquoi Mother Huckers est censurée comme ça, c'est pas pour la télé, c'est pas pour l'album, c'est vraiment comme ça qu'elle a toujours été faite. C'est une parodie, donc les censures ont toujours été faites. Même quand ils la font en spectacle, ils font les censures et c'est quelque chose d'assez drôle à voir. Allez taper sur YouTube Flight of the Conchords. Oui, vous allez trouver des tonnes de vidéos. Je pense que si vous en aimez une, vous allez vouloir aller voir toutes les autres, puis vous allez vraiment aimer ça. Vous allez passer la soirée là, c'est certain. Oui, donc j'espère qu'on a créé de futurs accros à Flight of the Conchords, comme nous le sommes, nous aussi. Oui, il y a une autre émission assez fou qui joue assez régulièrement du flight et puis qui connaît ça un petit peu. C'est les Betteraves Hurlantes, et ça joue sur nos ondes les mardis soirs à partir de 18h. C'est une émission d'humour, d'actualité et de légumes. Des légumes, super. De légumes. Miam. Les bêtes. Avec Alex et Gabriel. Vous êtes à Écoutons la Don la chanson, émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, animateur barobic méga vedette de C'est fou. Et faisant partie de la tête de Mathieu et sa fameuse conscience. Conscience grippée un peu aujourd'hui, mais tout de même présente et qui permet d'avoir beaucoup de plaisir en écoutant Flight of the Conchords, entre autres, et certaines de mes suggestions personnelles qui suivront dans les prochaines minutes, demi-heure de l'émission. Certainement, certainement. Alors, on va continuer cette première heure de l'émission avec un petit peu de francophone. On va aller entendre du palmarès, pourquoi donc pas. On va commencer avec Band de Garage qui ont une pièce en ce moment sur les palmes qui s'appelle Campeur et c'est excellent. Écoutons-la donc. La chanson. Assez fou, 89.1 FM. Ma bouche qui goûte le cendrier. Il manque deux dents dans le monde entier. Je crie bien fort parce que le monde entier de premier tour de la révolution. Ce qui est bon pour toi est bon pour toi. On va se mettre un chapeau dans mes portes en chapeau. Quand on est dans le bout des soufflements moyens. On va se mettre un chapeau dans mes portes en chapeau. Quand on est dans le bout des soufflements moyens. Le monde dans le feu. Avec un coup mal pris. Hein? Un coup mal pris. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Youpi! Ah, c'est... j'aime bien ça, cette pièce-là du Monde dans le feu. C'est nouveau sur les palmes. Tout nouveau, ça tout rough. Oh yeah, it rocks, mother hucker. Juste avant, c'était Band de Garage avec la pièce Campeur qui est sur le palmarès depuis quelques semaines. C'est leur album Cassette 2. Nous, ben, c'est la fin de la première heure. J'en fais du bruit, hein? Ah, comment j'en fais? Barouette mes oreilles. I'm making the noise. Donc, c'est la fin de la première. You're making the noise. It's crazy that I'm Everybody's making the noise. Everybody's making the noise. Totally, totally. J'allais dire, fin de la première heure d'Écoutons la Don ou LDLCLDL2. Ouais. Facile à cela. Exact. C'est on se retrouve juste après les nouvelles de Radio Kennedy pour d'autres bonnes musiques. Hein? Effectivement. Avant un goût de ce qui s'en vient? Quelconque musique? Certainement du André qui s'en vient dans la deuxième heure avec la pièce Le Thé, la justice de leur album du même nom. Tout à fait. Puis il va sûrement y avoir du Boyce's Road, mais nous on va se quitter avec la pièce Grow Up and Blow Away de Metric. C'est très très bon. Et puis on vous souhaite une très bonne bourrée de nouvelles dans votre face. Super. Merci Super. Beaucoup. Ça me fait plaisir. Et allez voir le www.unechance.com pour avoir toutes les pièces qui jouent dans l'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado diffusion si ça vous intéresse. Donc, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes à peine. dans vos oreilles pour une deuxième heure. Voici, écoutons donc la chanson Partout. Dos. Deuxième heure d'écoutons la dans la chanson avec Mathieu Plante et sa conscience en direct les lundis matins. Comme ça, on demeure une semaine en trombe. En trombe, ouais. Ça, c'est un très beau terme, ça. Merci, merci. En trombe. J'aurais dit en force, mais en force, c'est un peu trop facile. Ouais, donc, en trombe, c'est plus recherché. Oui. J'adore ça. Oui. Est-ce qu'on dit d'autres affaires de rechercher comme ça? Pas souvent, hein? Non, hein? Faudrait y penser. Oui. Think about it. Think about it. Just think about it. Think about it. OK, donc deuxième heure qui commence avec un bloc francophone. On va entendre trois artistes, trois groupes qui sortent de nos palmarès francophones. On va entendre à la fin Vanessa Parietar. Avant ça, il va y avoir le succès Vive l'automne d'El Motor. Mais on commence avec André, la pièce titre ou presque de l'album Le Thé et la Justice. Voici J'aime Le Thé et la Justice. Ah, super. Écoutons la chanson sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Dans vos oreilles. J'aime la justice, je n'ai pas de compassion. Plus j'avance, plus je tourne à droite. Lentement je durcis. Maintenant je me vois comme toi. Car je finirai comme toi. C'est inévitable, plus fort. Vanessa Paglietta et Exil, ici avec Tournadon la chanson. Juste avant, c'était El Motor avec Vive l'automne. Et on a débuté avec André avec la pièce J'aime le thé et la justice. Je pense qu'on peut tous dire qu'on est fan de thé et de justice ici. Est-ce que t'aimes le thé? Ouais, ben oui. Moi aussi. Thé vert, surtout là, thé vert. En ce moment, t'aurais besoin de thé vert avec du miel, là, je pense. Ouais, alors. Peut-être. Avec un bon dîner, là, avec un bon thé vert après, là, ça... Mm-hmm. De l'eau aussi, sûrement. Une petite tape dans le dos. Ouais, une pastille. Ouais, trop chouette. Ouais, ah, c'est pas grave, ça va aller. Ouais. Maintenant, c'est l'heure de mon choix personnel. Oui, le choix de la présidente. Ouais. Donc, on va commencer avec la formation Mother Mother. Et la pièce s'appelle... Oh My Heart, oh, c'est sur le palmarès en ce moment. Et c'est la pièce titre de leur album du même nom, tout évidemment. On va aussi aller avec quelques-uns de mes choix qui ne sont pas sur le palmarès. Donc, on va entendre Lisa Hannigan, qui était chanteuse avec Damien Rice, pour ceux qui connaissent. On va entendre la pièce sur Lily. Et aussi The Snake, The Cross and The Crown, qui est un groupe pas très connu américain. C'est super bon. On va entendre la pièce Behold the River. D'accord. Okay. Écoutons-la donc. La chanson, en me laissant reposer un peu ma voix. Ouais. Let's listen to that song. Lay up and die, he thinks to himself. as he stares into the sun. His companion's been bleeding and is weeping to himself, thinking, oh, my sweet Sue, I won't be coming home now. That ever gentle slope, Margaret Ann hangs her head and just keeps wondering what's good. Her companion's been bleeding and is weeping to himself, thinking, oh, my sweet Sue, I won't be coming home now. Jones lays in bed, his children lying on the floor, and she got by, standing in the churchyard singing hallelujah, sweeping out the back from the bells of the voice. And we got by, floating in the water, singing hallelujah, waiting on the Lord to bring us back home. You left us too soon, and I know. The Snake Across the Crown avec la pièce Behold the River, découverte personnelle de moi-même il y a très, très peu de temps. Donc, j'espère que vous appréciez. Est-ce que tu apprécies, Mathieu? Oui, j'apprécie. C'est bon, hein? J'ai hâte d'apprécier Lisa Hannigan. Oui, ça va être tout de suite après la pub. We went to sea for a day. He wanted to know what to say when he asked what he'd done in the past to someone that he loved endlessly. Now she's gone. À ne pas écouter en fin de soirée en s'en venant en auto, c'est ce que tu me disais. Ouais, c'est très dangereux sinon. Mais Lisa Hannigan, qui est de Dublin en Irlande, donc une pièce tirée de son album Sisu. J'espère que vous avez apprécié également cette découverte musicale qui peut être autant appréciée le matin en se levant que le soir en soupant. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Alors ça, tu nous as fait découvrir autre chose. The Snake, The Cross and The Crown, on le rappelle. Ouais. Donc, qui était tiré de leur album Cotton Teeth, donc dents de coton. Oui, ben ma tradition. Oui, ben c'est ça. Hein? Ouais. Donc, les gens qui veulent savoir ce que jouer dans l'émission d'aujourd'hui, s'ils ne s'en rappellent point, allez voir le www.unechance.com. Toutes les pièces sont là-dessus et la balado-diffusion à chaque semaine aussi. Un gang de chanceux. Tu dis, toi, tu dis. La semaine passée, t'étais pas là. Ben non. Non. Mais j'ai fait jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de francophones à mon goût. Je compense cette semaine avec beaucoup d'anglophones. Ça marche. Hein? On va aller entendre un beau bloc musical composé de Death From Above 1979. Et on va aussi avoir Block Party que je viens d'écouter pour la deuxième fois aujourd'hui. Et puis, je le fais jouer encore. Je me mets dans le bain. Puis un jour, je vais aimer ça beaucoup. Ça marche. Block Party. Mais on commence avec la formation Voices Road. C'est quand même assez vieux comme album. Là, on avait ça sur le palmarès en 2004. L'album est The Dwight Album. Et tout de suite, voici Roller Coaster Ride. C'est comme un manège pour vos oreilles. Wahoo! Écoutons là-dedans. La chanson sur les ondes de Sifu 89.1 FM. On this roller coaster ride, I've got this feeling deep inside that something's wrong. Whoa. Must be something that I ate. Because she's always late, it won't be long. Another turn. This is how we seem to learn about ourselves. Whoa. Did we kiss before I left? Did I leave the house a mess? I'll soon find out. Whoa. pushing God, pushing down sun, it's more than just lip. Come on girls, I know you know what you want. Come on, come on now, come on. You're beating walls, now you just won't quit. You play with shapes, but they just won't fit. I know you love me, you don't know what you like. You're watching TV, I stay up all night. If I don't die young, come on, yeah, have a little fun. Come here, baby, I know if you come back, we could do it and start a family. She was living alone, but I believe we could do it, it's not romantic. Come here, baby, I love your company, we could do it and start a family. She was living alone. Romantic Rides, Death from Above, 1979, c'est mis de leur CD You're a Woman, I'm a Machine, ou de leur micro-sillon, comme ils disaient hier aux extraits de la disque. C'était drôle de voir ce micro-sillon. Justement, c'était Block Party avec une pièce de l'album Intimacy qui est tout récente. Elle s'appelle One Month Off. Et d'ailleurs, à Block Party, j'ai écouté le CD au complet pour la première fois, puis je trouve que c'est pas mal bon, ça. Pas mal bon, ce Block Party. Je pensais pas que c'était dans mes cordes du tout. Justement, c'était Boys is Roll avec Roller Coaster Ride. Ça, ça date quand même de 2004, mais c'est un des albums qui m'a marqué dans l'histoire de C'est fou. Vous savez que j'anime le poste d'écoute les vendredis matins à 10h où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble, et puis c'est un des albums que j'ai aimé le plus en 4 ans et quelques du poste d'écoute. Voilà. C'est presque la fin de l'émission pour cette semaine. On va se lancer dans un autre bloc d'anglophones. Là-dedans, il va y avoir The Seals et Sylvie. Mais on commence... on commence avec Sylvie, drôle à dire. L'album s'appelle Trees and Shade, Our Only Fences. Tout de suite, voici Please Make It Home. C'est dans le palmarès, c'est fou. Et vous écoutez les... écoutons là-dedans la chanson. C'est juste une petite émission simple. Mais tellement bonne! 89.5. Collected hearts of celebrity if you let her. Yeah, she's old, but she should know better. Oh, dear Mabel, please don't put me on. Mistress Mabel, all the kids agree. You're unstable, curious and free. Wind them down and then keep them kicking. Sunken eyed and all panic stricken. Oh dear Mabel, it still worries me. Or am I right by? So they told her last night's name tag across her shoulder. Mistress Mabel, la formation de Fertilis. Écoutons la donc la chanson. C'est déjà la fin de l'émission de cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, à partir de 10h. On est aussi, on rappelle, les jeudis de 9h à 11h. Moi, je vous retrouve aussi dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. Ça, c'est les vendredis matin à 10h. Et dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ça, c'est les vendredis soirs à partir de 17h. Ce qui nous suit, ben, en fait, le lundi. C'est la sécheuse. Et ensuite, à 13h, c'est le monde de Mary Peters. Donc, c'est là pour ça. Et puis, jeudi, ben, à midi, c'est Connaître ensemble, qui s'en vient dans une heure environ. Passez une super belle semaine. Je remercie ma conscience, comme toujours, qui me prête main forte pendant une bonne partie de l'émission et ensuite va se coucher parce qu'il est tanné de m'entendre. On se quitte avec une pièce des Steels qui vient d'entrer dans les palmarès de C'est Fou. C'est bien leur album Oceans Will Rise. Elle s'appelle Snow in California. Bye bye tout le monde. Je vous adore.